L'actualité à Nancy et ailleurs. L'association Ramsa organise ce 31 décembre un réveillon solidaire à Vendeuvre. Pour nous en parler, Latif Mortagine, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Ramsa qui organise donc ce réveillon solidaire à l'espace Yves Coppens le 31 décembre prochain. Ce n'est pas la première année que vous organisez un tel réveillon. Non, pas du tout, parce que c'est devenu un rendez-vous annuel dans le quartier pour clôturer l'année, une année riche d'activités au sein de la population de Vendeuvre-Est, et en même temps, c'est aussi l'occasion pour pas mal de gens de toute l'agglomération de venir dans ce quartier tellement agréable, où il fait bon à vivre, même malgré tout ce qu'on entend à côté sur ce quartier. Ce rendez-vous, il est symbolique des actions de l'association Ramsa. Vous ne faites pas que ça de l'année, bien sûr. Pas du tout. Donc, il y a énormément d'activités que l'association mène. Et alors, d'abord, c'est pour ça qu'on s'appelle l'association Solidaris et ailleurs. Donc, nous avons énormément d'activités de solidarité ici, dans les quartiers, et surtout dans ce quartier populaire, et puis des activités de solidarité internationale avec une participation de jeunes dans différents chantiers à l'international. Ce rendez-vous de réveillon solidaire fait participer tous les habitants du quartier, enfin une partie en tout cas, qui sont réguliers, qui sont fidèles chaque année? Ah, tout à fait. Donc il y a des gens qui viennent chaque année, d'ailleurs pas seulement des habitants du quartier, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont envie de passer le réveillon dans un autre contexte, dans une autre ambiance avec les gens, et loin un petit peu de tout le tapage commercial autour de cette fête, et on retrouve un petit peu le sens de la fête de fin d'année. D'ailleurs, le 20 décembre, on organise aussi un Noël au bas des immeubles, et en même temps, donc, on essaie de partager ces fêtes de fin d'année avec la population locale, quelles que soient les origines, quelles que soient les croyances, parce que pour nous, ce sont des fêtes culturelles, des fêtes de communion et de retrouvailles et de cohésion sociale et d'amitié entre les habitants. 120 personnes l'année dernière, un peu plus, un peu moins? Tout à fait. Donc, c'est toujours autour de entre 120 et 130 personnes qui passent le réveillon dans une ambiance festive, amicale. Et puis, on fête ensemble la fin de l'année. Puis, on accueille la nouvelle année dans la joie et la bonne humeur avec des différentes, avec des gens d'horizons différents. Et c'est ça qui est intéressant, avec des générations différentes, parce qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, et puis des femmes, des hommes. Et puis voilà, et donc les choses se passent très très bien dans ce quartier super sympathique. Exactement. Un mot aussi, bien sûr, question pratique. Ce réveillon, il est payant, bien entendu, mais il reste très accessible. Ah oui, tout à fait, parce que nous avons pendant des années pratiqué d'abord le prix libre, parce que nous voulons pas que ça soit un frein à la participation des gens. Et donc, du coup, les gens viennent avec ce qu'ils ont, avec leur famille, avec leurs enfants. Et puis, chacun participe. Il y a des gens qui participent en donnant un coup de main à la préparation, en faisant la vaisselle, en faisant des choses. Donc, du coup, nous sommes plutôt dans une fête grande famille que dans une fête où il y a vraiment la question argent et participation financière qui importe. Donc, ce qui nous importe le plus, c'est que tout le monde met la main à la pâte et vient participer à une fête collective. Pour participer, pour s'inscrire, comment faut-il faire? Ben, il suffit de contacter l'association, donc l'association Ramsa qui se trouve à Vendeuvre-Est, et puis de s'inscrire, de passer, de donner sa participation, de dire aussi comment les gens comptent participer à cette fête. Et puis il y a plusieurs réunions qui se font d'ici là pour le contenu d'abord culinaire, pour le contenu artistique, et en même temps chacun prend un petit peu sa part dans cette préparation de cette grande fête. L'association est ouverte tous les jours de 9h jusqu'à 17h le soir, et les gens peuvent participer soit en appelant par téléphone, soit en contactant l'association par mail, ou bien en passant physiquement rencontrer nos animatrices sur place. Merci Monsieur Mortagine. Merci à vous aussi. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.